Cette soirée vous est présentée par La Barberie. La Barberie. Parce que nous sommes La Barberie. Pire ale, lime et framboise. Blanche ou mûre. Parce que nous sommes La Barberie. India Pale Ale. Stout Imperial. Cuivré ou thé. Brasse Camarade. La Barberie. Parce que nous sommes différents. Bonsoir, en ce beau samedi soir, Terra Incognita. Ce soir, c'est Bruno et Michel avec vous pendant 2 heures. Et attendez-vous à 2 bonnes heures de rock progressif. On a plusieurs petites nouveautés ce soir. Le nouveau Ecoline, le nouveau Third Degree et bien d'autres choses. Donc, installez-vous, 2 heures, et ça va être vite passé, vous pouvez me croire. Donc, on commence ce soir avec une nouveauté, Ecoline, 7 ans. Une réalisation de 7 ans pour arriver à ce disque éponyme qui est double dans sa forme, mais pas tout à fait dans sa durée. Je pense qu'un disque totalise environ 36 minutes et l'autre 40 quelques minutes. Je pense qu'il aurait peut-être pu tout mettre ça sur le même disque, mais peut-être une question de qualité, je ne sais pas. Il faudra poser la question aux principaux intéressés. Mais enfin, la musique est très bonne et ça a pris 7 ans, mais ça valait vraiment le coup. Donc, Ecoline, un disque éponyme, donc Ecoline. Et c'est le coup d'envoi de Terra Incognita du samedi. This park used to be a reservoir before Charlie drowned, saving a doctor and his girl. They drain the water and move the earth. Now housewives have a place to walk. Some memorial to be alive. Before they fell in love with a girl who is deception. She kissed the skin, they named the holes, then she laid them in the same ground. Some memorial to be alive. Stare in denial. That's a long time. It's a long time to go. It's a long time. Mercury. take a handful of seeds and a mouthful of dirt. Lie down, become a garden. Lie down, become a garden. Lie down, become a garden. We'll be right back.

C'est KRL. Donc, on jette un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Trois formations américaines, finalement, pour notre premier bloc. On avait Dissonati, ça nous vient de la côte ouest américaine. Le disque Reduction and Absurdum. Third Degrees, qui, eux, sont pas très loin de chez nous, là, je pense, Boston ou dans les environs. Leur second disque, The Long Division, et le merveilleux Colin, album éponyme, après 7 ans d'efforts et de... J'imagine qu'il y a d'avoir quelques petites tortures mentales. 7 ans pour 60-quelques minutes de musique, mais semble-t-il qu'ils ne pouvaient pas le faire autrement. Ils ne pouvaient pas faire autrement, c'était vraiment... Ça prenait le temps. C'est ça. Je pense que leur leitmotiv, c'était « ça va prendre le temps que ça va prendre ». Ça me rappelle un peu Matthew Parmenter de Discipline qui me disait « le disque va être prêt quand il va être prêt ». C'est, c'est une vérité de la palisse. Donc, on continue en musique, nous, de notre côté. C'est Michel et Bruno, et puis il y a Marc qui est un peu comme... un ombre ce soir. Il n'est pas là officiellement, mais il est un peu comme Paul McCartney là, qui marche les lignes d'Abbey Road et qui est supposé être mort ou à peu près. Donc, on continue, nous, en musique. Donc, je disais avec un autre groupe américain. Et puis, on va avoir aussi, j'en parle tout de suite là, parce que j'adore ce groupe là, que je viens de découvrir, The Wolf, ou je ne sais pas exactement la prononciation. The Wolf ou The Wolf, mais ça va suivre après cette formation américaine qui s'appelle Nomonote. J'espère que je l'ai bien prononcé. Nomonote. Ça nous vient d'Atlanta, en Géorgie. Et c'est leur seul disque, je pense, de Chronokos. Donc, on écoute cette formation américaine et restez des notes après parce qu'il va y avoir, moi, en tout cas, ça va être probablement le clou de cette soirée. Moi, j'adore ce groupe, donc The Wolf qui va suivre après. 2 heures de bon prog, mais il en reste encore comme 1h30. Bruno et Michel, c'est sur les ondes de CKRLMF, Terra Incognita, jusqu'à minuit. Thank you.

Don't be a rise. Bruno m'a joué un vilain tour. Ah, le vilain garçon. C'était, ben, je vous en ai parlé il y a quelques secondes, ou plutôt quelques minutes, The Wolf, ou de, là, c'est ça, là, j'ose pas trop affirmer que c'est l'exacte prononciation, c'est The Wolf ou The Wolf, et je vais vous l'appeler, ça va être peut-être plus simple, D-E-W-O-L-F-F, ça nous vient de Hollande, et où... probablement on peut dire aussi néerlandais et possiblement hollandais. Quatrième disque pour ces jeunots dans la vingtaine et un salon mélange là, de rock un peu à la Deep Purple mélangé avec du prog des années 70 un peu à la façon scandinave et le résultat bien, c'est, comme vous avez pu le constater c'est vraiment très agréable là, aux oreilles. The Wolf donc le disque pour titre 4. Et tout juste avant, on avait Gnomonautes. J'espère que je vous l'ai plus aussi. Je suis pas chanceux ce soir, moi. G-N-O-M-O-N-A-U-T. Gnomonautes. Et le disque Chronocosm. C'est ma soirée. Donc, vous êtes à l'écoute, évidemment, de Terra Incognita. Votre émission de prog préférée. On est avec vous jusqu'à minuit, c'est notre dernière heure. Et il y a encore plein de bonnes choses à écouter. Et inquiétez-vous pas, jusqu'à minuit. On retourne aux États-Unis cette fois avec Sirius Bay. Ça nous vient ça de Californie, leur troisième disque, Whimsical Waiter. Et ma foi, je pense que c'est probablement leur plus réussi à ce jour. Bon, on va peut-être en écouter plus qu'un extrait. J'écoute beaucoup ce disque-là de ce temps-ci. Donc, oui, une seconde. Oui, Bruno. Il reste une minute. OK. Donc, je vais arrêter de parler. C'est correct. il n'est pas très diplomate, Bruno. Des fois, il trouve que je parle trop. Mais bon, écoutez. On va voir ça et bien d'autres choses. Donc, comme je vous disais, Sirius Bay, un petit peu là, Genesis, un petit peu Anthony Phillips, tout ça mélangé avec Renaissance. Et ça donne un excellent disque, Whimsical Waiter, qu'on va écouter dans quelques secondes. CKRL 89.1. À Québec. Du 19 au 21 juillet, Beauport attrape les blues. C'est le festival Beauport en blues. Voyez en grande primeur au Canada Dexter Allen du Mississippi, également Mr. Boogie Woogie de Hollande, Fabienne Enderhoff de la Suisse, Tutu Jones et plusieurs autres. Venez participer au tournage d'une télé-réalité américaine avec Randy Scott et MAV TV. Beauport en blues, c'est gratuit. Visitez beauportenblues.com. Une présentation de la Caisse des Jardins de Beauport en collaboration avec la Ville de Québec et Slimane. Chaque mardi et vendredi, CKRL vous propose des émissions variées axées sur le blues, le métal, les sports, le reggae et plusieurs autres styles, tout comme les soirées du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, c'est les spéciaux sur les bières importées et des microbrasseries québécoises, les étonnants 5 à 7 sur les bières canadiennes et le vin, les 2 pour 1 tous les jours de 21h30 à 22h et de 23h30 à minuit. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Le Bal, 26 ans de Limoilou libre. Lebaldulezard.com. Je suis assez mauvais perdant dans vie. Même que quand je joue avec mes enfants, j'aime pas ça les laisser gagner. Mais quand mon fils ferme le robinet pendant que je me brosse les dents, ou qu'il m'interdit d'arroser le gazon en plein soleil, je m'avoue vaincu. Ici Stéphane Bellavance. Cet été, faites comme ma famille et moi et participez au programme d'économie d'eau potable de Réseau Environnement en collaboration avec votre municipalité. Rejoignez notre page Facebook à Économisons notre eau. Quand on y pense, économiser l'eau, c'est simple comme un jeu d'enfant.

Thank you. ceci, Rambazazi. Oh, Tony, Tony, vraže, když jsem z tý spár, proto už pití zváží. Možná, že jsou živější než já, za těch spoustu let je dávno znám. Nebo ne. Máma lidá na pozdrav, tam v zemi suchých trav, mezi řečí Anon zmíní. Za sebe hnízdí tam slunce, bez ustání dí, plně uspěl bouli zdíní. Možná, že jsou živější než já, za těch spoustu let je dávno znám. Poslední lampa mi září, jak slunce polední na karských plážích. Se mnou z důstojností stojí, do zásvětí půjdou, co by moji staří známí. Nebo ne. Blinded by the bright light. 89.1. CKRL, Québec. La Barberie. Parce que nous sommes la Barberie. Pire aile, lime et framboise. Blanche ou mûre. Parce que nous sommes la Barberie. India Pale Ale, Stout Impérial. Cuivré ou thé. Brasse camarade. La Barberie, parce que nous sommes différents. 89.1. L'autoroute, animée par Stéphane Villeneuve, les samedis, minuit. Demain, dès 15h, Tania Beaumont et son équipe vous attendent au Sacrilège pour l'émission spéciale du Festival d'été « C'est dans le sac ». Des invités, de l'émotion, des potins, des prestations et des prix de présence. Pour tout savoir sur le Festival d'été de Québec, rendez-vous au bar Le Sacrilège, 447 Saint-Jean, du 5 au 15 juillet, de 15h à 18h. « C'est dans le sac », une présentation de Boréal. Vous aimez ce que vous entendez et vous aimeriez encourager votre radio préférée? C'est simple comme bonjour. Soutenez votre radio favorite en faisant un don en ligne sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton sécurisé PayPal ou téléphonez au 418-640-2575. Un petit geste d'amitié pour une grande radio. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Lorsque je combats les envahisseurs de l'espace... J'aime bien boire une bonne bière de la Barberie. Et vous, quel est votre moment Barberie? Stout Impérial, la sangribière. Les artisans de la Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bières pression à fermentation haute. India Pale Ale. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418-522-4373, labarberie.com. De retour. On va jeter un petit coup d'œil dans l'arrière. Il y avait Terre Azur qui a conclu la dernière demi-heure avec Falling Asleep, premier disque pour cette formation allemande. Une belle réussite. Ça, on reconnaît un peu la touche là, de vieux groupes allemands avec, entre autres, I Will. Peut-être pas précisément pour cette pièce-ci qu'on vient d'écouter, là, mais pour les autres, on retrouve un petit cachet allemand là, qui est indéniable. Donc, Terre Azur, c'est T-E-R, apostrophe A-Z-U-R. C'est pas tout à fait courant comme... Bon, Terre Azur. Terre Azur. Falling Asleep. Et tout juste avant, on avait des États-Unis, cette fois-ci, des Addiction Dream, le disque Essence. Et on avait aussi Coop Room. Ça, c'est particulier. Vous avez probablement remarqué le. C'était pas anglais, c'était pas ni italien, ni. C'était tchèque. Donc, Musica Deposita. Et on avait entamé le tout avec Cirrus Bay de Californie, Whimsical Waiter. Dernière demi-heure ensemble, et on va revenir sur le groupe qui a ouvert l'émission ce soir, Ecoline, un groupe formation américaine de près de Philadelphie, qui nous est arrivé après 7 ans de silence avec un nouveau disque double, entre guillemets, parce que en fait, les deux disques ensemble totalisent à peu près 70 minutes, ou un peu plus. Et je pense que le tout aurait pu se retrouver aisément sur un seul CD, mais bon... Il n'y a aucun impact sur le prix, donc on chialera pas. C'est probablement un côté qualité, j'imagine. Comme je disais plus tôt, il faudrait vérifier avec le groupe pour voir pourquoi répartir 36 minutes sur un disque et 40 kecks sur l'autre. Et il n'y a pas une minute qui est achetée sur ce disque-là. Par contre, Et on écoute un second extrait de le disque qui est finalement éponyme après tant d'années, et Colline. She ran me cold out. give another day. Nothing could be farther from what's been twisted now. She rarely goes out to find her summertime, and the sun, it never smiles or comes out these days. When her Sunday spills, the pavement's at its fell, it breaks the Kansas quiet. I'm waiting for the show. When Sunday spills onto the pavement, she must be heard. When Sunday spills onto the pavement, she must be heard. When Sunday spills onto the pavement, don't give another day, don't give another. We'll be right back. assez compulsif, merci. C'était encore, excusez-moi, Gnomonaut, formation d'Atlanta en Géorgie. Premier disque, oui, je pense que... oui, le premier disque, on y va. Tout juste avant, on avait Mars Hollow, et c'était une version maquette d'une pièce, la pièce Eureka, qu'on retrouve en exclusivité sur un disque qui s'appelle Terra Incognita Archive Volume 2. Et oui, votre émission préférée a aussi ses disques. On est rendu au deuxième disque. Des artistes nous confient du matériel inédit. Et pour l'année dernière, on avait présenté volume 1 avec notamment Warbler, White Willow, Rhys March, Sky Architect, Agent of Mercy. Enfin, donc on est rendu au volume 2. Et cette fois-ci, on retrouve Marcelo, The Watch, Galahad et Eden Song. D'ailleurs, Eden Song, c'est une pièce... enregistrés lors de leur passage justement dans le... Je pense que c'était il y a 2 ans, 3 ans, dans le cadre de la Convention Terra Incognita. Et on avait débuté le tout avec Écoline, de tout nouveau disque éponyme, après 7 ans d'absence. Donc Écoline qui nous revient en force avec un excellent disque. Le successeur de The End is Beautiful. 7 ans, c'est quand même assez long. Et, écoutez, c'est sûr que chacun a ses activités. D'ailleurs, Brett Cole a travaillé sur une des pièces de Third Degrees, le nouveau Third Degrees de Dark Division. Et je pense qu'il est en train de monter un petit projet solo aussi. Donc, tout le monde a des familles maintenant dans le groupe et. Le temps étant ce qu'il est maintenant, précieux pour quand on a autant d'activités à concilier, ça donne comme résultat que des disques ne sortent pas régulièrement chaque année. Donc, mais c'était le nouveau Écoline qui est vraiment à la hauteur. Et je pense que le groupe a comme voulu marquer le coup en disant retour aux sources, parce que c'est vraiment un beau retour à ce que le groupe faisait à ses débuts. Et puis disque éponyme, je pense que c'est ça le signal qu'on voulait donner, c'est qu'on retourne à nos racines. Donc, et c'est déjà la fin, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine, même heure, même poste, mais aussi je vous invite à rester des nôtres. Il y a l'autoroute qui suit dans quelques instants après ces quelques messages d'intérêt public. C'était Michel et Bruno, Terra Incognita, votre émission préférée. À la semaine prochaine. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Stout Impérial. La sangrie bière. Les artisans de La Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bières pression à fermentation haute. India Pale Ale. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418-522-4373, labarberie.com. La rousse forte aux fruits. Du 19 au 21 juillet, Beauport attrape les blues. C'est le festival Beauport en blues. Voyez en grande primeur au Canada Dexter Allen du Mississippi, également Mr. Boogie Woogie de Hollande, Fabienne Enderhop de la Suisse, Tutu Jones et plusieurs autres. Venez participer au tournage d'une télé-réalité américaine avec Randy Scott et MAV TV. Beauport en blues, c'est gratuit. Visitez beauportenblues.com. Une présentation de la Caisse des Jardins de Beauport en collaboration avec la Ville de Québec et Slimane. L'Ampli lance un appel de candidature aux artistes de la relève musicale pour la prochaine cuvée de son volet pro. Faites vite car il prend fin le vendredi 7 septembre 2012. Vivez un encadrement d'une durée de 10 mois et propulsez votre carrière. Consultez la section volet pro du site pour tout savoir. Procurez-vous la compilation 2012. Je serais allé au bout du monde, je serais parti, je t'aurais suivi. J'avais déjà décollé, j'étais rendu au 7e ciel, mais ton avion était parti. J'ai acheté des draps bien jolis avec des petits pois. Je t'ai mis le temps d'une chevette. Devenez membre de l'Ampli et rendez-vous sur amplidequebec.qc.ca. 88 977 9774.